qui se termine en able, A-B-L-E, en français, se termine en habile, A-B-I-L-E, en italien. Par exemple, probabile veut dire probable. Alors, comment diriez-vous ce n'est pas probable? Non è probabile. Non è probabile. Et le ment de probablement devient mente en italien. Donc, probablement se dit probabilmente. Vous remarquez que le E final de probabile disparaît quand on ajoute mente et ça donne probabilmente. Maintenant, si terrible se dit terribile, comment dirait-on terriblement? Terribilmente. Voilà, terribilmente. La traduction italienne de tard est un mot qui ressemble beaucoup au français. Tardi. T-A-R-D-I. Tardi. Donc, il est tard, se dirait. Il est, se dit comme c'est. Alors, comment dites-vous il est tard? Et tardi. Est tardi, oui. Et comme très se dit molto, M-O-L-T-O, molto, qui rappelle les mots français moult ou multitude. Comment dit-on il est très tard? Et molto tardi. C'est ça, est molto tardi. Et plus tard, c'est-à-dire tout à l'heure, se dit più tardi. Plus, c'est più en italien. P-I-U, accent grave. Più tardi. Attention à la lettre U, qui se prononce toujours U. Il n'y a pas de son U en italien. Maintenant, je veux, c'est voglio. Voglio, qui s'écrit V-O-G-L-I-O. Le G ne s'entend pas dans ce cas. On entend simplement lio, un peu comme dans Lyon. Voglio, je veux. En fait, je se dit io. Mais ici, on n'en a pas besoin parce que la fin du verbe, le O, indique déjà qu'il s'agit de je. Donc, si vous dites voglio, ça veut dire je veux. Mais si vous dites io voglio, vous insistez sur le je, le moi. Et ça revient à dire moi, je veux. Donc, voglio, tout court, je veux. Et qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir. Savoir se dit sapere en italien. Ça vient du latin. Pensez par exemple à l'Homo sapiens. Sapere. S-A-P-E-R-E. Sapere. Donc, comment direz-vous je veux savoir? Voglio sapere. Oui, voglio sapere. Et je ne veux pas, se dirait? Non voglio. Non voglio. Non voglio. Maintenant, dites-moi, je ne veux pas savoir. Non voglio sapere. Non voglio sapere. Non voglio sapere. Et comment dit-on c'est possible? Ah, È possibile. Bien, è possibile. Ou, pour parler du lieu où se trouve quelque chose, se dit dove. D-O-V-E. Dove. Alors, comment diriez-vous je veux savoir où est... Voglio sapere dove è. En fait, dove è se contracte en dove, qui s'écrit D-O-V-E accent grave. Le E à la fin de dove tombe et il est remplacé par une apostrophe. Dove. Mais ça, bien sûr, vous ne pouviez pas le savoir.